بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكلمنا في الأسبوع الماضي حول تفسير سورة البروج. On a abordé lors de la semaine dernière, durant la semaine dernière, l'explication de ou du moins l'exégèse de Surat Al-Buruj. وَقَدْ وَصَلْنَا إِلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. On arrive à la parole d'Allah le Très-Haut lorsqu'il dit وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et la seule chose qu'ils leur ont reproché est qu'ils croyaient en Allah, Al-Aziz, Al-Hamid. وَذَكَرْنَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزِ أي لا يغ... الذي لا يغلبه أحد. On a cité que Allah c'est Al-Aziz, le Tout-Puissant, celui dont personne ne peut avoir le dessus sur lui. وينبغي أن يعلم أن الله تعالى يعز من يشاء من عباده. Et il est important de savoir que Allah accorde la puissance à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah Ta'ala qui dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dis au Allah, le maître du royaume, le royaume des cieux et de la terre, tu accordes la royauté à qui tu veux, et tu l'enlèves de qui tu veux, et tu accordes la puissance à qui tu veux, et tu avilis qui tu veux. Le bien est entre tes mains, et certes, tu es capable de toutes choses. Wallahu tabaraka wa ta'ala yu'izzul mu'minin. Et Allah ta'ala accorde la puissance aux musulmans, aux croyants. Allah Ta'ala qui dit dans son livre يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Et ils disent, c'est-à-dire les hypocrites, ils disent, lorsque nous retournons à Médine, le plus puissant, les plus puissants d'entre nous, les plus puissants de cette ville, feront partir les plus faibles, chasseront les plus faibles. Cependant, la puissance est à Allah, et à son messager et aux croyants. La puissance est à Allah et à son messager et aux croyants. Cependant, les hypocrites ne le savent pas. إذن ما هو الذي جعل المؤمنين في هذه الحال التي نراها اليوم؟ Et donc, qu'est-ce qui a fait que les croyants sont dans cette situation que nous voyons aujourd'hui? الجواب يا أيها الإخوة البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. La réponse elle est très simple. L'éloignement du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala qui dit dans son livre وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Alors, ils furent frappés par l'avilissement, la pauvreté, et ils furent avilis. Ils ont goûté à la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Cela parce qu'ils mécroyaient aux versets d'Allah, aux signes d'Allah. Ils mécroyaient aux signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'il tuait les prophètes en toute injustice, sans droit. Pourquoi? ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Tout cela est parce qu'ils ont désobéi et qu'ils ont transgressé. فَمَاذَا عَسَى أَن نَقُولْ نَحْنُ الْآنَ فِي زَمَنِنَا مَا كَثْرَةِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ. Que pouvons-nous dire à notre époque avec tous les péchés? وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ مَا حَصَلَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ. Ou afwan, mais hasala fi ghazwati Uhud. Et vous savez ce qui s'est passé durant la bataille de Uhud? Anna ba'd al-muslimin takhallafu 'an amri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Fa huzima al-mu'minun hina idhin. Durant cette bataille de Uhud, certains croyants n'ont pas respecté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de cela, les musulmans ont perdu une bataille. فَمَاذَا نَقُولُ نَحْنُ فِي زَمَنِنَا. Que devons-nous dire nous à notre époque? مَعَ كَثْرَةِ الْمَعَاصِي الَّتِي يَكُومُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ وَمَعَ الْإِعْتِقَادَاتِ الْبَاطِلَةِ التي هي أخطر من المعاصي. Que devons-nous dire à notre époque avec tous les péchés que les musulmans font ou avec les croyances caduques qui sont plus dangereuses que les péchés encore? Des croyances qui font sortir de l'islam. Des gens qui rejettent le fait que Allah tabaraka wa ta'ala soit en colère, le fait qu'il rejette que Allah tabaraka wa ta'ala soit miséricordieux, pardonneur. Il rejette le fait que Allah ta'ala se soit établi sur son trône. Tout cela, ce sont des croyances qui font sortir de l'islam. Les gens qui vont adorer des morts, invoquer des morts en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Croyances qui font sortir de l'islam. Et comme sont nombreux les gens qui appellent à cette croyance dans beaucoup de pays musulmans, avec les sectes de Ash'ari qui sont très propagées, des universités qui propagent cette croyance. Et donc il est important que les musulmans prennent conscience que la base est qu'on revienne Al-Kitab wa Sunnah, le livre et la Sunnah. Voilà la base. Si nous voulons que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde le succès. Wallahu Tabaraka wa Ta'ala huwa al-Hamid. Et Allah c'est al-Hamid, le digne de louange, al-Mustahiq lil-Hamd. فيحمد الله تبارك وتعالى على افعاله وصفاته. Allah il est loué pour ses actes et ses attributs. Et ici il y a une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lorsque il explique le terme subhanallah walhamdulillah. Lorsque le serviteur il va dire Subhanallah walhamdulillah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit hadha fihi raddun ala jami'i man khalafa ahli sunnati wal jama'a fi bab al-asma'i was sifat. Il dit il y a dans cette parole une réplique à tous ceux qui ont contredit ahli sunna wal jama'a concernant le sujet des noms et des attributs. Subhanallah walhamdulillah. Quand tu dis Subhanallah, tu rejettes tout ce qui ne convient pas concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. C'est cela que ça signifie, le fait de rejeter tout ce qui ne convient pas concernant Allah tabaraka wa ta'ala, dont le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Et ça, ce sont des gens qui ont dévié dans le sujet des noms et des attributs. Ceux qui vont donc faire ressembler, donc dans leur croyance, selon eux, faire ressembler Allah à ses créatures. Cela est contraire à la voie de Ahl Sunna wal Jama'a. Fa subhanallah. Allah est exempt de tout cela. Walhamdulillah. Tu loues Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à ses noms, ses attributs, ses actes. Et donc toutes ces personnes qui rejettent les noms et les attributs d'Allah, tas'aluhum limadha tahmadun Allah ta'ala. Pourquoi est-ce que vous louez Allah ta'ala? Vous avez rejeté tous ces noms et ces attributs, vous allez le louer pourquoi? Vous allez le louer pourquoi? Puisque pour vous, il ne pardonne pas, il ne fait pas miséricorde, il ne fait pas. Il n'est pas le Tout-Puissant. Et donc vous le louez pourquoi? Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans cette parole, il y a une réplique à tous ceux qui se sont trompés concernant les noms et attributs. Subhanallah wa alhamdulillah. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Celui à qui appartient seul le royaume des cieux et de la terre. Et Allah est certes témoin de toutes choses. فالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما ملك لله وحده. Et donc les cieux et la terre. Et ce qu'elles contiennent, et ce qu'il y a entre les deux, entre les cieux et la terre, tout cela appartient à Allah tabaraka wa ta'ala seul. وَأَمَّا مَا يُنْسَبُ إِلَى الْعَبْدِ مِمَّا يَمْلِكْ فَهُوَ مِلْكٌ قَاسِرٌ لِأَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَا يَمْلِكُهُ أن يتصرف كيف يشاء فيما يملكه لأنه سيسأل يوم القيامة عما فعل فيما يملك أما الله تبارك وتعالى فلا يسأل عما يفعل في ملكه فهو ملك تام أو ملك تام. Et donc l'être humain, concernant ce qu'il possède, l'être humain, puisqu'on a dit que tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Allah seul. L'être humain, concernant ce qu'il possède, téléphone, camis ou autre, tout cela, c'est une propriété qui est limitée. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas faire ce qu'il veut avec ce qu'il possède. Car il sera interrogé au jour de la résurrection concernant ce qu'il a fait, de ce qu'il possédait. Est-ce qu'il a gaspillé ou pas? Il ne t'est pas permis aujourd'hui, tu as un kamis, sans raison, tu vas le brûler. Cela ne t'est pas permis. Là, il y a juz, c'est du gaspillage. Tu seras interrogé, yawm al-qiyama. Tandis que Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas interrogé concernant ce qu'il fait, de ce qu'il possède, tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala qui dit dans son livre, la yus'elu amma yaf'alu wa hum yus'elun. Il n'est pas interrogé concernant ce qu'il fait, et eux, eux sont interrogés. Allah Ta'ala qui dit Allahu ala kulli shay'in shahid. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Allah est témoin de toute chose. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. ومن ذلك انه مطلع على ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الاحراق بِالنَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَعِ الْعَذَابِ. Et donc, Allah Ta'ala, il sait tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans son royaume. Et parmi cela, le fait qu'il soit au courant de ce que ces incroyants faisaient aux musulmans, comme le fait de les brûler, et autre que cela comme type de châtiment. Comme on l'a vu, donc, dans les cours précédents, l'histoire de ceux qui ont, donc, allumer un grand feu pour jeter les croyants dans ce feu, juste parce qu'ils croyaient en Allah tabaraka wa ta'ala au début de l'exégèse de Surat Al-Buruj. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce qu'ils ont fait. Fasayujazihim ala dhalik. Il va donc les rétribuer concernant ce qu'ils ont fait. Et ceci est une menace. Wallahu shadidul iqab. Et Allah est dur en punition. ولكن الله تبارك وتعالى غلبت رحمته غضبه. Cependant, Allah تبارك وتعالى, sa miséricorde a le dessus sur sa colère. Sa miséricorde a le dessus sur sa colère. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit ici, à ce moment-là, dans ce passage, il dit tout de suite après, Inna alladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Certes, ceux qui ont éprouvé, et donc ici on traduit par éprouvé, on verra par la suite inshallah ta'ala, certes ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes, puis ne se sont pas repentis. Alors, ils ont le châtiment de l'enfer. Alors ils iront en enfer et ils ont le châtiment du feu. Ta'amalu ayyuha al-ikhwa, méditez ô mes frères. Anna ha'ula'i yuhriquna al-mu'minina wal-mu'minat, yu'adhibunahum li'annahum amanu billahi faqat. Wallahu shahidun 'ala dhalik. Méditez, ô mes frères, le fait que ces gens-là, ils ont brûlé les croyants et les croyantes. Ils les ont brûlés vivants. Allah tabaraka wa ta'ala était témoin, parfaitement connaisseur de ce qu'ils ont fait. Et malgré ça, Allah tabaraka wa ta'ala propose le repentir. Wa yatubu ala ta'ibin. Et il pardonne à ceux qui se repentent. Subhanahu wa ta'ala. Fadhakara ahlul ilmi anna qawlahu fatanul mu'minin anna al-ma'na alladhina ahraqul mu'minin. Les gens de science, ils ont cité que lorsque Allah il dit inna alladhina fatanul mu'minin, ce qui est voulu par fatanu, ce que j'ai traduit tout à l'heure par le fait d'éprouver les croyants, certains savants ils disent ce qui est voulu par là, c'est le fait de brûler les croyants. Certes, ceux qui ont brûlé les croyants, c'est pas certes ceux qui ont éprouvé les croyants. Pourquoi? C'est comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit Yawmahum ala nari yuftanun, zuku fitnatakum, hadha alladhi kuntum bihi tastajilun. Le jour où ils seront dans le feu, yuftanun, ils brûleront. Zuku fitnatakum, goûtez votre feu. Ceci est ce que vous appelez à hâter. Ceci est ce que vous cherchiez à hâter. Et donc ici, el fitna, c'est le feu. Wa qala akharun inna al fitna ay as-saddu an ad-din. D'autres savants ont dit que ce qui est voulu par ce terme, el fitna, c'est le fait de les empêcher de pratiquer leur religion. Ce que j'ai traduit tout à l'heure par le fait de les éprouver. Le fait de les éprouver dans leur religion. Taïb. وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَعْنَى يَيْنِ صَحِيحًا. Et donc, et ce qui est correct en cela, c'est que les deux significations sont justes. Comme on a vu, فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ, dans la science du tafsir, de l'exégèse, parfois, les ulémas du tafsir vont avoir plusieurs explications pour un verset. Cela ne veut pas dire que forcément il y a une explication qui est vraie et toutes les autres sont fausses. Non, s'il n'y a pas de contradiction entre les explications, alors toutes les explications sont bonnes. Toutes les explications sont acceptables. Tant qu'il n'y en a pas une qui est rejetable, elles peuvent être acceptables. Comme par exemple, la traduction de Hablullah. Pas la traduction, l'explication de Hablullah. Il y a certains savants qui vont dire Hablullah huwa al-kitab, Hablullah huwa sunnah, Hablullah huwa... comme certains, ou al-din, ou al-islam, etc. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre tout cela. Al-kitab, al-sunna, al-islam, il n'y a pas de contradiction. Tout ça, c'est acceptable. Et donc ici, il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire que c'est ces gens qui ont brûlé les croyants, ils ont éprouvé les croyants dans leur religion. Ils les ont éprouvés dans leur religion. وأيضا كما ذكرنا سابقا أن العقوبة من جنس العمل فهؤلاء كما أنهم أحرقوا المؤمنين فيحرقون يوم القيامة وشتان بيننا بين النارين. Et donc, comme on a cité très souvent, la La rétribution est du même type, du même genre que l'acte. Et donc ces gens, de la même façon qu'ils ont brûlé les croyants, et donc leur rétribution est qu'ils soient brûlés au jour de la résurrection. Et il y a certes une grande différence entre les deux feux, le feu d'ici-bas et le feu de l'au-delà. لكن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب كما ذكرناه سابقا وكما هو بين واضح في هذه الآية. Cependant, Allah Ta'ala, il pardonne à celui qui se repent, comme on l'a cité précédemment et comme c'est clair dans ce verset. وهذه الآية من الأدلة القوية على أن التوبة تمحو ما قبلها. Et ce verset fait partie des grosses preuves qui montrent que le repentir efface ce qu'il précède. Des gens qui tuaient les croyants juste parce qu'ils ont cru. Ils les brûlaient vivants juste parce qu'ils ont cru. Et Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à celui qui se repent. Et donc, le repentir efface ce qui le précède. لكن التوبة لابد أن تكون صحيحة تجمع شروط التوبة. Cependant, le repentir, il est impératif qu'il soit correct et qu'il rassemble les conditions du repentir. وَهَذَا الَّذِي سَنَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى غَدًا بِإِذْنِ اللَّهِ نَرَى نَتَكَلَّمْ عَنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعَ لِمَا يُحِبُّهُ وَأَرْضَاهُ. Et donc, demain, إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, on verra les conditions du repentir. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il accorde à tous la réussite pour ceux qu'il aime et agrée. جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا.